J'ai pas de conseils à donner, mais à recevoir. C'est ça l'avenir de l'homme, aura-t-il un espoir? Heureusement que c'est pas la fin qu'on apprend à concevoir. Les nôtres qu'on appelle congénères ou patriotes, soit ton enfant ou celui d'un autre. Y'a des attitudes qui changent parce que certaines épidermes dérangent. Et puis merde, qu'est-ce que ça change? Je poursuis avec tous ces soucis, je regarde le monde qui s'assombrit. Des tempêtes, des tsunamis, personne ne réagit, c'est l'agonie. Moi c'est art, mais c'est pas film porno. Ah, c'est forcément fait pour nous. Allons, pas tranquille, mon cul imprévisible. Comme le creux du Nil, la plus belle chose qui puisse t'arriver. Qu'elle soit pleine de surprises, des bons et mauvais moments. Des crises cardiaques de rire. On dit souvent que le pire est à venir. J'en tire conclusion, poursuis et prends position pour l'avenir. Il n'y a pas de retour possible, on meurt tous un jour. C'est à ça que se résume la vie. Chacun sa définition de la vie. On n'a pas le choix, frère, on a vie. Obligé d'y croire, garder un espoir. Chacun sa définition de la vie. La vie est une chienne, baisée par le système. Si t'aimes, tu ramasses. Si t'aimes pas, pélo, tu ramasses quand même. C'est idem. Tu sois riche ou pauvre, les soucis, tu les supportes avec une scie dans le cœur. S'engloutir dans le fleuve, écouter le cri du mec qui naturalibus, dépourvu de tout ce qu'il porte, tout ce qu'il garde, ses yeux pour voir, sa voix pour croire, ses mains pour atteindre cette fleur dans le cœur. Voir nos mères en pleurs, voir nos pères en cœur heureux devant l'épanouissement de leurs filles ou chanter les louanges de leur fils mort trop jeune. La vie est notre enjeu, les preuves en sont tangibles. Un jour t'en chies, un jour tu files un mauvais coton. Un jour t'en chies et là tout ce que t'as sur le cœur tu le mets de côté. Ça s'estompe, tu te rends compte que la vie est belle. Comme cette rose que tu viens de cueillir à ta belle vie. Profite, Philippe, peaufine tes atouts. File des à-coups dans le dos de la vie. Mange tout, y'a trop de trucs à croquer. Suffit juste de s'attabler et d'y goûter, d'y goûter. Chacun sa définition de la vie. On n'a pas le choix, frère, on a vie. Obligé d'y croire, garder un espoir. Chacun sa définition de la vie. On n'a pas le choix, frère, on a vie. Obligé d'y croire, garder un espoir. La vie je l'aime, je l'avoue, avant la joie je l'avais. L'homme ici bas fait trop de mal, alors il prie pour se laver. Puisque la voix est une arme comme le savoir, et que la cruauté mène à la gloire, pourquoi ne pas s'en servir? L'homme a régressé dans son évolution. À qui vas-tu expliquer que la guerre n'est pas une solution? Où chacun veut s'approprier sa vérité. On a blessé la planète, elle ne nous rend que ce qu'on a mérité. L'homme prie le dieu dollar sans appréhender la douleur. On tue des milliers de semblables, ils n'ont pas la même couleur. Pour la richesse de leur terre, le plus fort n'a jamais tort. Pour profiter d'un génocide, il n'est jamais trop tard. La plupart ont plus de défauts que de qualités. Beaucoup vivent dans le mensonge pour feinter la normalité. Haine, orgueil, jalousie, vanité. Telle est la réalité de notre triste humanité. Telle est la réalité de notre triste humanité. Telle est la réalité de notre triste humanité. La vie est une chienne. La vie est notre enjeu. Les preuves en sont tangibles. La vie est une chienne. Je sais pas, je sais pas. Chacun sa définition de la vie. On n'a pas le choix, frère, on a vie. Obligé d'y croire, garder un espoir. Chacun sa définition de la vie. On n'a pas le choix, frère, on a vie. Obligé d'y croire, garder un espoir. Passer la vie. Passer la vie. Passer la vie. Passer la vie, vis ta vie. Avant qu'il y ait échec et mat. Avant que Lucifer te claque, ouais. Avant que Belzébuth te mate. Mec, vis ta vie, sans question, sans réponse. Sans sanction, sans défonce. Sans faire référence à ton enfance. Vis ta vie, vis ta vie, vis ta vie. Vis ta vie, passer la vie. Vis ta vie, vis ta vie. Sans question, sans réponse.